trottinette unitaire. On veut un gouvernement et sûrement pas des carrettes françaises, c'est dans ton sang. Tonnerre, c'est ta patrie. Comme jadis, c'est blouson noir. Toi, tu es fort comme le rock. Pour combattre tout le désespoir, je peux créer ton époque. Hein. Hey hey hey. Alors, lève-toi, jeunesse française. Fièrement